Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. On continue la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Un livre de l'imam ibn Qudamah al-Maqdisi, d'Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, et une explication de Sheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Semaine dernière, on avait expliqué combien de hadiths ? 4. Premier hadith, Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu. Qui nous le récite ? Tfadal akhi. Hatta yabdua. رواه البخاري ومسلم بارك الله فيك. السكون حديث حديث دبي مسلمة رضي الله عنه. إلي سامس الولا تفضل. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعالين. نعم. البخاري ومسلم. ماذا قال؟ قال نعم. قال نعم. أو البخاري ومسلم. بارك الله فيك. خزم حديث الحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. كي سي بروبوز؟ عند ربه. جواد. عن أبي قتادة المصري. الأنصاري. الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص ابن ربيع ابن عبد الشمس إذا سجد وضعها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أحسنت. بارك الله فيك. الكاتريم حديث الحديث دو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كي لابخي تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتجل في سجودي ولا يبسط يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكذب. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. يقول المؤلف باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. Le chapitre de l'obligation d'avoir la quiétude dans l'inclinaison et la prosternation. الحديث الثالث والتسعون. Le 93e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم وقد جمع المؤلف بين لفظي البخاري ومسلم معا. Le 93e hadith. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la mosquée. Un homme est entré ensuite et a prié. Puis, il est venu pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne prier, car tu n'étais pas en train de prier. » Il est retourné et a prié comme il a prié. Puis il est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Retourne prier, car tu n'étais pas en train de prier. » À trois reprises. Puis cet homme a dit, après la troisième fois, « Par celui qui t'a envoyé par la vérité. » Je ne sais pas faire autre que celle que tu as vue. Enseigne-moi. Je ne peux pas faire mieux que ce que tu as vu. Enseigne-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, lorsque tu te lèves pour prier, fais le takbir. Dis Allahu Akbar. Puis lis ce que tu as du Coran. Puis incline-toi jusqu'à être apaisé dans ton inclinaison, puis relève-toi jusqu'à être droit dans ta posture debout, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé dans ta prosternation, puis relève-toi jusqu'à être apaisé dans ton assise, puis fais cela dans l'ensemble de ta prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'auteur, l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, a rassemblé entre les termes de Al-Bukhari et de Muslim dans ce hadith. المعنى الإجمالي هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الاتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل من الصحابة اسمه خلاد بن رافع فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات فأقسم الرجل بقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت فعلمني فعندما اشتاق إلى العلم وتاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. Le sens général du hadith. Ce hadith est un hadith important que les savants appellent le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Et ce hadith est وعمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب. C'est le repère des savants dans tout ce qui est obligatoire dans la prière et de tout ce qui n'est pas obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme et lui a montré les actes de la prière qu'il doit obligatoirement faire. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité dans le hadith est considéré comme non obligatoire, comme cela sera expliqué par la suite, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et le sens général de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la mosquée. Un homme parmi les compagnons est entré aussi, son nom est Khalad ibn Rafi'. Il a prié une prière qui n'était pas complète, que ce soit dans les actes de celle-ci ou dans ses paroles. Et lorsqu'il a terminé sa prière, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son salam et lui a dit « Retourne prier car tu n'étais pas en train de prier ». Ce compagnon radiallahu anhu est retourné et a accompli pour une deuxième fois sa prière exactement comme il l'a fait pour la première. Puis il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Retourne prier, car tu n'étais pas en train de prier à trois reprises. » Puis cet homme a juré en disant « Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. Je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Enseigne-moi. » Lorsqu'il a eu le goût au savoir et lorsque son âme était prête à le recevoir et qu'il s'était préparé à accepter ce savoir après une longue période de répétition, après les trois prières qu'il a faites, après les trois réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourne prier car tu n'étais pas en train de prier, et cela n'a fait qu'animer le désir d'apprendre, le désir de comprendre et d'accepter également les enseignements que va lui donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, selon le sens, lorsque tu te lèves pour prier, fais le takbir, takbiratul ihram, le premier takbir de la prière. Puis, lis ce que tu peux du Coran. Après, surat al-fatiha. Puis, incline-toi jusqu'à être apaisé dans ton inclinaison. Puis, relève-toi de ton inclinaison jusqu'à être droit et d'être apaisé dans ta posture debout. Puis, prosterne-toi jusqu'à être apaisé dans ta prosternation. Puis, relève-toi de la prosternation et assieds-toi jusqu'à être apaisé dans ton assise. Et fais ainsi, c'est-à-dire, et fais ces actes et ces paroles dans l'ensemble de ta prière, hormis le premier takbir, takbiratul ihram, qui a lieu uniquement lors de la première raka'at, lors de la première unité de prière. C'est clair ? طيب في الحديث ثلاثة مباحث. Cheikh dit qu'il y a dans ce hadith trois analyses. المبحث الأول في خلاف العلماء في قراءة الفاتحة. Premièrement, la divergence des savants dans la lecture de l'Fatiha. فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة مستدلين بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وبإحدى روايات هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله وقد سكت عنه أبو داود وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه ولابن حبان في حديثه وقرأوا بأم القرآن وقرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت قال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. Donc la divergence des savants sur la lecture de sourate al-Fatiha. Al-Hanafiya sont de l'avis que la prière est valide pour celui qui lit du Coran, quel que soit ce qu'il lit du Coran, même si il a la possibilité de lire al-Fatiha. Et leur preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ et lisez ce que vous pouvez du Coran. Ils ont utilisé ce verset pour dire que dans la prière, pour que la prière soit valide, il faut que tu lises du Coran. Tu n'es pas obligé de lire surat al-Fatiha. Et ils ont aussi pour preuve le hadith, ou une des versions du hadith de l'Moussi fi salatih, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et lis ce que tu as du Coran. C'est la version que l'on a lue précédemment. Le hadith est donc authentique. Et l'avis de la majorité des savants est que la prière ne peut être valide sans la lecture de Sourate al-Fatiha pour celui qui la connaît, pour celui qui sait la lire. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, point de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre. Et l'ouverture du livre, Fatihatul Kitab, est un des noms de Surat Al-Fatiha. Fat-Taqdir et ce hadith, on doit le comprendre, point de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, point de prière, c'est-à-dire point de prière existante. Et l'inexistence de la prière, lorsque, islamiquement parlant, signifie, c'est un nom, acceptation. عدم وجودها شرعا هو عدم صحتها. Lorsque l'on dit qu'il n'y a point de prière, il n'y a pas de prière présente, c'est-à-dire que celle-ci est nulle et qu'elle n'est pas valide. وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. Et c'est la base dans ce genre de négation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie une chose dans ses hadiths, la base c'est que cette chose est niée dans sa totalité. Et les autres preuves qui viennent soutenir que la prière n'est pas valide si Al-Fatiha n'est pas lue sont nombreux. Et ils ont répondu, à Jumhur, ont répondu au verset qu'utilise Al-Hanafiya pour dire que ce qui est demandé est de lire du Coran et pas forcément Al-Fatiha. Autrement dit, la parole d'Allah Azza wa Jal, lisez ce que vous pouvez du Coran. Ils ont répondu que ce verset a été révélé pour montrer la lecture du Coran lors de la prière nocturne. C'est-à-dire, lisez ce que vous pouvez du Coran après avoir lu Surat al-Fatiha, sans en faire une contrainte pour vous. C'est-à-dire, ne lisez pas trop, au point que cela soit une contrainte pour vous. Et ils ont répondu au hadith qu'utilise Al-Hanafiya, qui est quel hadith? Quelle version? Al-Hanafiya. Quelle est la version qu'ils utilisent? Oui, mais c'est quoi la version? Et lis ce que tu peux du Coran. Ils ont répondu à cette version que c'est une version qui est vague, qui est générale. Et elle est expliquée, cette version vague et générale, est expliquée par d'autres versions qui sont plus précises. Entre autres, la version d'Abu Daoud rapportée par Abu Daoud et Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon, puis lis la mère du Coran et ce que Allah veut. وَقْرَ ثُمَّ قْرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهِ. Et lis la mère du livre, autrement dit, Al-Fatiha, et ce que Allah veut, c'est-à-dire comme autre verset, comme autre sourate, que tu liras après avoir lu sourate Al-Fatiha. Et Cheikh Al-Bassam dit, وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدْ. Et Abu Daoud s'est tué sur ce hadith, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de jugement. Et il dit, rahimahullah, et ce sur dont il s'est tué, le fait que l'imam Abu Daoud se soit tué sur un hadith, est-ce que cela est un reproche ou est-ce que c'est une critique envers ce hadith? Non. Et concernant ce hadith précisément, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a jugé bon dans son livre Sahih Abi Daoud. Et dans l'autre version d'Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَقْرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ قْرَ بِمَا شِئْتِ. Et lis la mère du livre, la mère du Coran, puis lis ce que tu veux. Et cette deuxième version est aussi jugée bonne par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Jami'. Ainsi, ces versions précises viennent expliquer les versions qui sont plus générales et qui sont plus ambiguës. Et ainsi, on doit comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rassemblant l'ensemble des versions. Et ça, c'est un des bénéfices d'avoir plusieurs versions de hadith, ce qui te permet d'avoir une compréhension meilleure de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Hammam a dit « Al-Awla » et le mieux est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout cela à cet homme qui a mal fait sa prière. C'est-à-dire qu'il lui a dit « Lis le Fatiha et lis ce que tu veux après. » Il lui a dit « Lis ce que tu veux du Coran. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout cela à la fois. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة ويدل له قول ثم فعل ذلك في صلاتك كلها قال الحافظ حديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل الوجوب. Puis, Cheikh Al-Bassam dit, et certains savants voient l'obligation de lire Al-Fatiha uniquement dans la première raka'a sans les autres. Et la plupart des savants considèrent qu'il est obligatoire de lire Al-Fatiha à chaque raka'at. Et leur preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce compagnon et fait ainsi dans l'ensemble de ta prière. C'est-à-dire dans toutes les autres raka'as de ta prière. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit, et le hadith d'Abu Qatada rapporté par Al-Bukhari, lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait suratul Fatiha à chaque raka'as. Et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. Ceci, ajouté à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier, ces deux hadiths rassemblés prouvent l'obligation de lire suratul Fatiha à chaque raka'ah, à chaque unité de prière. ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها وذهب الجمهور إلى وجوبها وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه مرق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه وتقدم الكلام عليه، وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالته، والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. Et les savants ont divergé sur l'obligation d'être apaisé lorsque l'on se relève du recours et du sujoud. Ils sont d'accord sur l'obligation d'être apaisé pendant le recours et pendant le sujoud. Mais ils ont divergé lorsque tu te relèves du recours et lorsque tu te relèves du sujoud. Al-Hanafiya ont de l'avis que cela n'est pas obligatoire. Et l'ensemble, la majorité des savants considèrent que d'être apaisé après s'être relevé de l'inclinaison et de la prosternation est une obligation. Et la preuve est ce hadith authentique et clair. Et également le hadith de Al-Bara ibn Azib qui dit qu'il a vu et observé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a constaté que sa station debout, que son inclinaison, que lorsqu'il s'est relevé de son inclinaison, que sa prosternation, que l'assise entre la prosternation, et son assise entre le taslim et le fait de partir, était proche ou était d'une durée identique. Et c'est un hadith authentique que l'on a vu précédemment et que le Cheikh a expliqué précédemment. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait debout après s'être relevé de l'inclinaison au point que l'on pouvait penser qu'il l'a oublié tellement c'était long. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait du recours, il restait longtemps debout au point que l'on pouvait penser qu'il avait oublié qu'il venait de se relever du recours. Voilà dit la ala dhalika kathira, et les preuves qui viennent appuyer cela sont nombreuses, et il n'y a chez Al-Hanafiya aucun, ils n'ont aucun dalil sur cet avis, et également ils n'ont aucune réponse authentique ni une réponse valide concernant les preuves qu'ont apportées la majorité des savants, qui sont des preuves à la fois authentiques et claires. Deuxièmement, المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. La deuxième analyse qui peut être faite de ce hadith est comment prouver que de ce hadith, l'on peut déduire les choses qui sont obligatoires dans la prière et les choses qui ne le sont pas. Car le Cheikh a dit au début que ce hadith de Al-Musi fi Salat est que les savants, c'est leur repère pour connaître ce qui est obligatoire dans la prière et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est cité dans le hadith est obligatoire, tout ce qui n'est pas cité dans le hadith n'est pas obligatoire. قال في سبل السلام واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. Et sache, donc il l'a dit, l'imam Sanani rahimahullah, en son livre Subul Salam, a dit, et sache que ce hadith immense, les savants ont à plusieurs reprises l'ont souvent utilisé pour prouver l'obligation de tout ce qui a été cité et la non-obligation de tout ce qui n'y a pas été cité. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه. فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. Quant à la preuve que tout ce qui est cité dans ce hadith est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela après avoir dit, a cité ou a expliqué au Moussi Salatin dans une autre version, qu'une prière ne peut être complète qu'en faisant ce qu'il aura dit. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qui prouve cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à cet homme comment prier en corrigeant ses erreurs et en citant également les choses dans lesquelles il n'a pas fait d'erreur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu as fait une erreur à tel endroit, c'est comme ça qu'il fallait faire ?» Tu t'es trompé ici, il fallait faire comme ça. Non, le professeur Salam lui a dit, parce que tu pries, voilà comment tu dois faire. Et les savants ont dit que le professeur Salam ne lui a pas seulement corrigé les erreurs qu'il a faites, mais qu'il lui a carrément dit comment est-ce qu'il fallait prier depuis le début. Ainsi, le professeur Salam lui a cité dans ce hadith les choses qu'il doit obligatoirement faire. Et dans ce hadith, le professeur Salam n'a à aucun moment préciser les endroits dans lesquels cet homme s'était trompé. Dans aucune version, le prophète s'est dit « Tu as fait une erreur à tel endroit ou à tel endroit. » Non. Donc cela prouve que ce hadith est général et que le prophète a voulu lui enseigner ce qui était obligatoire dans la prière et ce qui lui permettrait d'avoir une prière complète et acceptée. Et il y a d'autres versions rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et An-Nasa'i également, qui viennent donner une raison de pourquoi le professeur Hassalem lui a expliqué, en donnant pour erreur principale commise par ce compagnon, radiallahu anhu, c'est qu'il a fait sa prière de façon légère. Annahu akhaffa fi salati, c'est-à-dire qu'il a fait sa prière trop rapidement, que ce soit dans les gestes ou dans les paroles. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد. Donc ce qui prouve que tout ce qui est dans le hadith est obligatoire, c'est lorsque le prophète sallam a dit لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه, que la prière ne peut être complète qu'en faisant ce qui est cité. Et ce qui prouve que tout ce qui n'est pas cité dans ce hadith n'est pas obligatoire, les savants ont dit, car cette situation est une situation d'enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans une situation où il a dû apprendre à ce compagnon comment prier. Donc à lui enseigner les obligations de la prière. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé dans cet apprentissage une chose obligatoire, cela ne lui aurait pas été autorisé. Car la règle dans le fiqh est لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, qu'il est interdit de retarder l'explication au moment où celle-ci doit être faite. Ici, cet homme a mal prié. Le professeur Sam a dû lui montrer comment prier. Il a dû lui montrer toutes les choses qui sont obligatoires, et le professeur Sam n'aurait pas pu laisser cet homme en ne lui enseignant pas des choses qui ne sont pas obligatoires dans la prière, car cela est interdit. Wa huwa la yajuz bil ijma', et ceci à l'unanimité des savants. Ah, c'est une règle que de retarder l'explication d'une chose au moment où celle-ci, ou au moment où il y a un besoin d'explication, que cela est interdit à l'unanimité des savants. ثم إن عرض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلفوا فيه في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. Et lorsque un hadith ou une preuve plus forte vient contredire une obligation ou une non-obligation déduite du hadith de l'Moussi fi salati, alors on met en pratique ce hadith ou ce dalil qui est plus fort. C'est clair ? Si un hadith autre que le hadith de l'Moussif et Salat, qui est clair et qui est plus authentique et qui vient prouver qu'une chose présente dans le hadith de l'Moussif et Salat n'est pas obligatoire ou qu'elle est obligatoire, on met en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit, par contre, tous les endroits dans lesquels les savants ont divergé sur son obligation et qui est cité dans ce hadith, dans le hadith de l'Moussi Salatah, alors nous nous accrochons à son obligation. Et les sujets sur lesquels ils ont divergé sur l'obligation, et qui n'est pas cité dans le hadith, alors nous nous attachons au fait que cela n'est pas obligatoire. Istinadan ila hada al-hadith, en nous référant à ce hadith, car c'est l'endroit d'enseignement. Car c'est le hadith d'enseignement, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la prière. Wa in ja'at sighatu amrin bi shay'in lam yudhkar fi hadha al-hadith, ihtamala an yakuna hadha al-hadith qarinuhu ala haml as-sighati ala an-nadhm, wa ihtamala al-baqa ala adh-dhahir fayahtaju إلى مرجح للعمل للعمل به. Et s'il y a une formule d'obligation dans un hadith, une obligation qui n'est pas stipulée dans le hadith de l'Moussi Salata, alors il y a deux choses. Soit cette chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans un autre hadith, soit l'ordre, ce n'est pas un ordre pour l'obligation, mais c'est un ordre qui prouve que c'est préférable. S'il y a un ordre dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette chose qui est ordonnée n'est pas présente dans le hadith de l'Moussi fi salati, on a dit que tout ce qui n'est pas dans le hadith de l'Moussi salati n'est pas obligatoire. Et on a un hadith qui nous ordonne de faire une chose. Il y a deux issues ou deux explications que l'on pourrait donner, soit de dire que cet ordre ce n'est pas un ordre pour l'obligation, mais c'est un ordre qui nous encourage et que cette adoration est recommandée et non obligatoire car elle n'est pas présente dans le hadith de l'Moussi fi salati. Wahtum ila al-baqa ala al-zahir, et également on peut aussi comprendre que l'on reste dans ce qui apparaît du hadith, c'est-à-dire que c'est obligatoire, mais cela a besoin de preuves plus fortes afin de la mettre en pratique. Allahu a'lam. C'est clair ou pas ? Justement, ils vont en parler, cher, après. Et là, on applique la règle. On applique la règle que lorsqu'il y a un hadith qui est clair et authentique, qui vient nous apporter... qui vient clairement prouver une obligation qui n'est pas présente dans les hadiths de l'Moussi Salata, qu'on le met en pratique. Ah. المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. La troisième analyse, les jugements que l'on retient de ce hadith. أولا, الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا, وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط, ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة, ثم الركوع والاعتدال منه, ثم السجود والاعتدال منه, والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود, خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم, وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي إنها معلومة لدى السائل. Ce que nous retient du hadith, premièrement, que les actes cités dans ce hadith sont les piliers de l'islam, les piliers de la prière, qui ne peuvent être exemptés ni par un oubli ou une distraction, ni par une ignorance. Celui qui ne fait pas un pilier de la prière par distraction ou par ignorance, est-ce que sa prière est acceptée ? Non. Il doit refaire ce pilier délaissé, même s'il l'a délaissé par ignorance ou par distraction. Quels sont ces piliers de la prière? Ces piliers sont takbiratul ihram lors de la première rak'at uniquement. Le premier takbir de la première rak'at uniquement. Puis la lecture de l'Fatiha à chaque rak'at. Puis l'inclinaison et le fait de se relever de l'inclinaison. Puis la prosternation et le fait de se relever de la prosternation, ainsi que d'être apaisé dans l'ensemble de ses gestes, c'est-à-dire pendant l'inclinaison, lorsque l'on se relève pendant la prosternation et lorsque l'on se relève de la prosternation. Et le fait d'être apaisé dans l'ensemble de ses gestes, même lorsque l'on se relève de l'inclinaison et de la prosternation, contrairement à ceux qui n'ont pas obligé l'apaisement pendant ces deux piliers, ma'astihbabihima indahum, en considérant que cela n'est pas un pilier, mais simplement recommandé. Wa baqiya shay'un min al-arkan, et il reste d'autres piliers, autrement dit qui ne sont pas cités dans le hadith de Moussi, qui sont at-tashahhud. Lequel tashahhud? Al-awwal wa al-thani. Le deuxième. Quelle est la preuve que le premier n'est pas un pilier? Ahsant. Le prophète, lorsqu'il s'est trompé dans la prière de dhuhr, il s'est levé de la deuxième à la troisième directement sans faire le tashahhud, et le prophète ne s'est pas rabaissé. Il a continué sa prière et avant le taslim, il a fait de prosternation de la distraction sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également ceci dans le deuxième tashahhud, et enfin le taslim. قال النووي انها معلومة لدى السائل. Et l'imam Nawawi a dit que ces piliers sont connus par le questionneur, autrement dit celui qui demande cela. ثانيا ان يفعل ذلك في كل ركعه ما عدا تكبيره الاحرام ففي الاولى دون غيرها. Deuxièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est de faire cela dans toutes les rak'at, dans toutes les unités de prière, hormis le takbir, le premier takbir, qui n'a lieu que lors de la première rak'at et non dans les autres. ثالثا, دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة, لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. Troisièmement, ce hadith prouve que tout ce qui n'y est pas cité n'est pas obligatoire parmi les actes de la prière. Mais ceci, après avoir vu l'ensemble des versions et d'avoir une emprise sur l'ensemble de ces termes, afin que ce qui a été cité soit connu dans sa totalité et qu'il soit ainsi pris en compte. Donc le hadith de Moussi fi salatihi, il faut, yani, tout ce qui n'y est pas cité n'est pas obligatoire, à condition, comme l'a dit le shir, de vérifier l'ensemble des versions de ce hadith. Car le hadith n'est pas seulement rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut donc étudier l'ensemble des versions de ce hadith, l'ensemble des termes qui ont été utilisés, afin d'être sûr de ne rien oublier. Car si tu ne prends pas en compte une version, par exemple, si on prend l'exemple de le Fatiha, si on n'avait pas pris la version de Ibn Hibban et de Abu Daoud, qu'est-ce que l'on aurait dit? Que de lire Al-Fatiha n'est pas obligatoire. D'accord? Même s'il y a d'autres hadiths qui le prouvent, mais cela pourrait amener à dire de telles choses. Et le fait d'avoir une vue sur l'ensemble des versions nous permet de façon précise de savoir ce qui y a été cité et ce qui n'y a pas été cité. رابعا وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال لأنه ورد بلفظ ثم ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. Quatrièmement, il y a dans ce hadith la preuve de l'obligation de l'ordre de ces actes, car cela a été rapporté avec le terme thumma, qui veut dire puis. Et le fait de dire fais une chose, puis telle chose, puis telle chose, nous prouve l'obligation de suivre cet ordre bien précis. Cela ajouté au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation où il enseignait. Donc, tout ce qu'il dit a son importance et doit être pris en compte. Khamisan, inna hadhihi al-arkan lis-salah la tasqut sahwan wa la jahla bidalil amr al-musalli bil-i'adah wa lam yaktafi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bita'limih. Cinquièmement, tous ces piliers de la prière ne peuvent être exemptés ni par une distraction ni par une ignorance. Et la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce compagnon de quoi ? De refaire la prière. Et il ne s'est pas contenté uniquement de lui enseigner. Sadisan, yadullu hadha al-hadith ala adami sihhati salati al-musi, falawla dhalik lam yu'mar bi'i'adatiha. Sixièmement, ce hadith prouve que la prière de ce compagnon radiyallahu anh n'était pas valide, car si elle était valide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas demandé de la refaire. Sabi'an wa yadullu ala anna al-jahila tujzi'u minhu as-salatu an-naqisah amma al-'alimu fala. Et là je dis Allahu a'lam. Je n'ai pas compris cette phrase de l'auteur, rahimahullah. Non. ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا. الله أعلم. Je vais demander inshallah. Et là, je dis الله أعلم. ثامنا فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. Huitièmement, il y a dans ce hadith la preuve qu'il est légiféré d'enseigner de la meilleure des façons et d'ordonner le bien, et que cela doit être fait de la façon la plus simple possible, en ne comportant aucune haine et aucune méchanceté, et que le mieux pour l'enseignant est d'utiliser des façons qui font que l'on désire la science et que l'on savoure la science. Car le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme ? Retourne prier car tu ne priais pas. Première reprise, deuxième reprise, troisième reprise, et la personne, ça y est, se dit je peux plus rien rajouter, apprends-moi, je sais pas. Là, le professeur Salam, en faisant ça, il lui a donné l'envie d'apprendre et il lui a donné ce goût à la science. Ceci a plusieurs bénéfices. Parmi ces bénéfices, que cela permet à la personne de mieux apprendre. Il ne va pas oublier ce qu'il lui a appris. Il va se rappeler de ce moment. Et cela va rester plus ancré dans sa mémoire. Tasi'an, annahu wa annahu yustahabbu lil mas'oul أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. Neuvièmement, qu'il est recommandé à celui qui est questionné de rajouter dans sa réponse selon le bien de la situation ou selon la situation dans laquelle il se trouve. Comme le fait d'être questionné et la situation prouve l'ignorance du questionneur sur un sujet de la religion. Tu es questionné sur un point et en fait tu te rends compte que la personne est ignorante dans un autre point qui est important. Ben toi qui es questionné, tu réponds à sa question et en même temps tu lui enseignes ce qu'il ne sait pas, qui font partie des choses importantes de la religion. Ashiran, an al-istiftaha wa al-ta'awud wa raf' al-yadayni wa ja'alahuma 'ala al-sadri wa hay'at al-ruku' wa al-sujud wa al-julus wa ghayri dhalika kulluha mustahabbah. Kulluha mustahabbah. Dixièmement, que l'ouverture, autrement dit, du'a al-istiftah. Ici, al-istiftah, c'est du'a al-istiftah. L'invocation d'ouverture qui précède la lecture de al-fatiha. Et ceci lors de la première raka'at. Wa ta'awud, de dire, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. De lever les mains, raf'u al-yadayn. De lever les mains. De poser les deux mains sur la poitrine. Et les façons de s'incliner et de se prosterner et de s'asseoir. Qu'est-ce que les façons de se prosterner et de s'incliner? Al-Rukou', par exemple, quand tu fais Rukou', tu poses tes mains sur tes genoux et tu écartes les doigts. D'écarter les doigts, c'est obligatoire ou pas? Faut que je finisse la phrase pour vous compreniez. Donc, dixièmement, l'on en retient que l'istiftah, c'est-à-dire de al-istiftah, de dire a'udhu billahi minash shaitan rajim, de lever ses mains, de les placer sur la poitrine, les façons de faire ruku', as-sujud et de s'asseoir, et autres, et etc., wa ghayru dhalik, kulluha mustahabba, que toutes ces choses sont préférables. Pourquoi? Car elles ne sont pas citées, non? De l'hadith al-Musi fi salati. Le professeur Asalam a dit à ce compagnon de s'incliner et d'être apaisé dans son inclinaison. Il ne l'a pas dit, par exemple, il faut que ton dos soit droit, de telle sorte que si on verserait de l'eau, il ne bougerait pas. Que lorsque tu fais le sujoud, que le sujoud, par exemple, tu ne, que les mains, que les doigts, tu les écartes ou tu les rassembles? Tu les rassembles. On les écarte pendant le ruku' et on les rassemble pendant le sujoud. Ni tous ces détails sur la façon de faire ruku', de faire le sujoud et de s'asseoir, les détails sont recommandés et ne sont pas une obligation. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم وتقدم الفروض على المستحبات. Onzièmement, on en déduit que l'enseignant doit commencer dans son enseignement par les choses les plus importantes et ainsi de suite. Et que les choses obligatoires doivent être enseignées en priorité avant les choses préférables. ثاني عشر قال الصنعاني وعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها وهذا مما لا نزاع فيه وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. Et Cheikh al-Bassam cite une parole de Sanani rahimahullah en disant: et sache que le hadith de Moussi salatah, que les savants ont beaucoup parlé dessus et en ont déduit beaucoup de compréhension, et nous avions fait une étude dans laquelle nous avons sorti comme conclusion que la prière niée dans le hadith de Moussi salatah ne nie pas la perfection, mais nie bel et bien la prière, ainsi donc sa validité. Et ceci est appuyé par ce qui est connu dans la science de la grammaire et dans la science des bases de l'fiqh, que les paroles qui sont utilisées pour la négation nient la chose dans sa totalité. Lorsque tu dis « il n'y a pas d'homme dans la maison », tu nies l'existence de l'homme dans la maison. Et ceci est un sujet où il n'y a pas de divergence. وَأَنَّهُ لَا يُحْمَى عَلَى خِلَافِهِ مِنَ الْكَمَالِ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِدَلِيلِ. Ainsi, celui qui dit que la négation nie le caractère complet de la prière et non pas la prière dans sa totalité, doit le dire en apportant des preuves qui sont claires. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.